Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. L'actualité archéologique de cette semaine est sans nul doute la découverte d'une tombe à char d'un aristocrate gaulois à Warcq, dans les environs de Charleville-Mézières. C'est aussi l'annonce de l'inscription de la grotte Chauvet, ou plutôt la grotte ornée du Pont d'Arc, au patrimoine mondial par l'UNESCO, réunie en session à Doha. Elle rejoint donc désormais d'autres espaces cavernicoles français, dont Lascaux. Le suspense lié à ce classement n'avait rien d'insoutenable eu égard à la valeur artistique et historique du lieu, l'importante action de communication la concernant. Les recherches dans cette grotte ont été à maintes reprises évoquées dans le Salon Noir. Nous avons donc choisi aujourd'hui une autre thématique bien plus grave, la mort, ou du moins ce qu'il en reste, en un mot les restes de la mort, avec trois invités, Hervé Guy, Agnès Jean-Jean, Anne Richier. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Agnès Jean-Jean, vous êtes ethnologue, maître de conférence à l'Université de Nice, Hervé Guy, et Anne Richier, anthropologue et archéologue du funéraire à l'INRAP. Vous venez tous trois de publier le numéro 60 de l'excellente revue Technique et Culture sous le titre « Cadavres en procès ». Hervé Guy, des squelettes, vous en avez fouillé une invraisemblable quantité, parfois des très anciens, je pense, à l'homme de Cuges-les-Pins, découverte il y a tout juste un an. Oui, alors si vous le permettez, votre question appelle deux réponses. Si j'ai beaucoup fouillé de sépultures, oui, vraisemblablement des milliers déjà. Et comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Mais si beaucoup de sépultures se ressemblent, dans une carrière, il y en a qui restent à l'esprit, qui vous marquent un petit peu. Alors moi, je pense particulièrement à un nain achondroplasique qu'on a fouillé à Disneyland il y a à peu près une vingtaine d'années maintenant. Vous avez dit un nain comment ? Achondroplasique. C'est un nain. C'est un nain comme on peut les voir. Aide-moi peut-être. Voilà, c'est un problème de croissance. C'est un nain, on va dire, hypophysaire. Voilà. D'accord. Alors, après ça, je pense aussi à la sépulture d'un curé que j'ai fouillé à Cergy-Saint-Christophe. Il était enterré avec son calice dans une position un peu particulière. Et puis, je pense aussi à des sépultures de l'âge du bronze fouillées avec mon ami Rémi Crassard dans le désert du Yémen, où on fouillait parmi les scorpions. Et je dois dire que c'est une image qui me restera très, très longtemps. Et sinon, puis, il y a Cuges-les-Pins, oui, voilà, bien sûr. Maintenant, alors, concernant la sépulture de Cuges, oui, il s'agit d'une sépulture tout à fait remarquable. C'est une découverte exceptionnelle dans la mesure où c'est une sépulture préhistorique qui date de la fin du Paléolithique. C'est probablement la plus ancienne découverte en Provence. Et cette sépulture est attribuée à une culture qu'on appelle l'épigravecien. Et elle était magnifique, avec tout l'appareil funéraire, de l'ocre, des outils, des parures. Et puis surtout, cette sépulture se caractérise par le fait que, pour cette culture, d'habitude, on les trouve dans des grottes ou dans des abris sous roches. Et là, on a trouvé cette sépulture en plein champ. Voilà. Et je veux dire qu'on a eu beaucoup de chance. C'est comme si on avait trouvé une aiguille dans une meule de foin. Elle date à peu près de quel âge ? 12 000 ans, quelque chose comme ça ? À peu près 12 000 ans. Un moment où le climat se réchauffe en Provence, où l'eau remonte, c'est à peu près tout ça ? Exactement, oui, on est à la fin de la glaciation. Anne Richier, vous en avez fouillé combien de sépultures ? J'ai envie de dire, je reprendrai peut-être ce qu'a dit Hervé, on ne les compte pas. Après, de la même façon, ça se compte par milliers de toute période. Alors la question forte à poser, c'est est-ce que tout ça, c'est bien nécessaire ? de fouiller tant de tombes. Nécessaire, oui. De toute façon, déjà, c'est notre métier, hein, tout simplement, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que si ce n'est pas nous, archéologues du funéraire ou archéologues tout court, qui fouillons des sépultures, n'oublions pas qu'elles vont être détruites. On travaille en archéologie préventive. Donc, évidemment, et heureusement, peut-être qu'on a quelques milliers de sépultures à notre actif. Il vaut mieux que ce soit nous plutôt que les pelleteuses. Est-ce que l'on ne peut pas dire que c'est un nouveau métier qui vient d'émerger il y a environ 15-20 ans, ces archéologues du funéraire, spécialisés donc sur le corps, vais-je dire, le corps et son ensemble, et la tombe, la sépulture. Bien sûr, alors ça c'est à peu près, il y a eu en fait un grand changement, une grande mutation qui date des années 80, donc c'est un petit peu plus que 20 ans, où effectivement le corps, le cadavre, l'individu pour lequel la tombe a été faite, ça bien sûr il ne faut pas l'oublier, il a été replacé au centre de la sépulture. Auparavant, on s'intéressait aux tombes pour l'appareil funéraire, donc c'est-à-dire pour toutes les offrandes, etc. Dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire, on prélevait les ossements et les ossements étaient étudiés par un anthropologue en blouse blanche dans son laboratoire qui ne mettait absolument pas les pieds sur le terrain. Depuis les années 80, effectivement, ça a complètement changé. Après, avec l'émergence aussi, bien sûr, de l'archéologie funéraire, donc la multiplication des sites, il y a eu vraiment une nouvelle génération dont nous faisons partie, hein, où on a en fait une double casquette et double formation, bien souvent. La plupart du temps, on vient de l'archéologie, mais on peut très bien venir aussi de l'anthropologie, je le rappelle, qui est rattachée aux sciences, alors que l'archéologie est rattachée aux sciences humaines. Donc, on a des doubles casquettes, et surtout, ce qui est très important, c'est de ne jamais, jamais perdre contact avec le terrain. Tout se joue sur le terrain, ça, il ne faut jamais l'oublier. Hervé Guy, on fait désormais des observations directes, donc, dès que l'on se met à fouiller une tombe. Direct, oui et non. C'est-à-dire qu'on s'attache, si vous voulez, à comprendre un petit peu comment un individu s'est décomposé, comment le cadavre s'est décomposé. Et je dois dire que ça, c'est une nouveauté en archéologie, enfin une nouveauté qui date d'une vingtaine d'années. Il y a eu vraiment une irruption du cadavre, de l'image du cadavre dans les problématiques des archéologues. On appelle ça désormais la thanatoarchéologie, c'est bien ça ? Thanatoarchéologie, tout à fait. C'est curieux. Oui. À Thanatos, mort, voilà, c'est l'archéologie de la mort, hein, tout simplement, voilà. Et ça, c'était vraiment dans le souci, c'est aussi dans l'évolution, tout simplement, de la discipline, et donc dans le souci d'englober, effectivement, tout ce qui est autour de la mort. Il ne faut pas oublier qu'autour de la... Enfin, l'archéologie funéraire, en fait, est à la croisée de différentes disciplines. Donc, évidemment, l'archéologie, l'anthropologie biologique, l'ethnologie aussi, puisqu'on étudie les gestes, on essaye, en tout cas, de restituer les gestes. Donc, c'était important aussi que cette discipline est vraiment, enfin que le nom de cette discipline montre un petit peu justement ce côté pluridisciplinaire. Eh bien justement, allez Jean-Jean, vous êtes ethnologue. On pense toujours que les ethnologues travaillent exclusivement sur les vivants. Il n'en est rien, ils peuvent aussi faire parler les morts. Alors, pas vraiment faire parler les morts, mais on s'intéresse bien aux vivants, mais aux vivants, en l'occurrence, dans le cadre de cette livraison de techniques et cultures, aux vivants qui manipulent les morts, qui y font face à la façon dont ils y font face, aux gestes, aux significations qu'ils attribuent aux cadavres, aux restes. Et on en tire énormément d'enseignements quant aux élaborations, hein, des sociétés, aux dimensions symboliques, économiques, politiques de nos sociétés. C'est aussi, on retrouve ce souci dans les travaux de Dominique Mémy, de Pascal Trompette, qui sont des ethnologues ou des sociologues et qui se sont questionnés, Daniel Terrol aussi, sur le cadavre et sur ce qui en est fait dans nos sociétés contemporaines et ce que ça dit des valeurs de nos sociétés. En France, parce qu'on imagine plus facile à étudier dans des pays exotiques. Ça a été étudié dans des pays exotiques, mais là je vais plutôt vous parler d'auteurs qui travaillent sur la France parce que je ne suis pas une ethnologue exotique et que précisément dans le cadre de cette livraison, on a aussi mis l'accent sur cette dimension peut-être non exotique. Est-ce que ça peut nous dire de notre propre société? Mais oui, Dominique Mémy s'intéresse à ce qui est fait des corps des enfants morts-nés dans les hôpitaux. Pascal Trompette s'intéresse par exemple aux dimensions économiques du marché des défunts. Et Daniel Terrol, lui, s'est intéressé pendant pas mal d'années au sans domicile fixe, aux personnes à la rue, et puis il les a suivis jusqu'à leur mort et jusqu'après leur mort. Et on imagine bien ce que peut nous dire le traitement, l'observation du traitement d'un cadavre de SDF sur la société qui a produit cette situation. On aurait dit la sépulture d'indigents au Moyen-Âge. Oui, il n'y a pas toujours de sépulture. puisque les enfants morts-nés n'ont pas toujours, selon la catégorie dans laquelle ils vont être classés en fonction des caractéristiques qui leur sont propres, et puis de dimensions historiques aussi, ils ne vont pas forcément être orientés vers une sépulture, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, Agnès Georgian, vous étudiez les fossoyeurs, ces travailleurs du funéraire, face à la manipulation des corps, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et en fait, donc, dans cette... Racontez-nous. Voilà, je vais vous raconter. C'est un travail que j'ai fait en compagnie de Cyril Odansky, un doctorant, et on a travaillé effectivement sur les fossoyeurs, mais pas que. Notre travail a porté sur trois groupes de travailleurs, des fossoyeurs, des agents d'une morgue, et puis des agents de la réquisition, qui sont des gens qui saisissent le corps là où il est mort et l'embarquent pour le ramener à la morgue. Donc le corps est tel qu'il est mort. Il n'a pas été socialement traité en tant que cadavre. C'est aussi un acte assez particulier que de prendre en charge ces corps-là. Et on s'est intéressé plus particulièrement à ces professions parce que ce qu'on voulait saisir, c'était le sens que les individus, que ces travailleurs donnaient à leurs gestes et à ce qu'ils étaient aussi, à ce qu'ils font et à ce qu'ils sont. Et ces travailleurs-là sont des gens qui n'ont pas de diplôme valorisé, qui ne sont pas pensés socialement comme possesseurs, détenteurs d'un savoir-faire socialement valorisé. Voilà, je ne suis pas très claire là dans mes phrases, mais en tout cas, c'était ce qui nous intéressait. Comment se débrouillent-ils, contrairement aux thanatopathes ou aux archéologues qui ont un savoir, un diplôme, en tout cas, comment eux se débrouillent-ils pour donner sens à ce à quoi ils sont confrontés? Et ce sont les questions qu'on s'est posées. On s'est également interrogé sur le désir et le plaisir dans ces activités de travail. Comment est-ce qu'ils s'expriment? Comment est-ce que, quand on est agent à la morgue, on vit le fait d'avoir du plaisir dans son travail? On s'est rendu compte que ça pouvait être très problématique et soulever des questions abyssales pour ces travailleurs-là. Avoir du désir, trouver un corps beau, un beau corps, avoir faim. Quand on est face à un cadavre, voilà, on a interrogé aussi cette dimension-là. Et puis, ce qui est très curieux, c'est qu'ils ont en général un autre travail qui pallie les difficultés. C'est bien ça ? Oui. Alors, ce qu'on a essayé de montrer dans l'article et qui est apparu sur le terrain, hein, puisque tout part du terrain, c'est comme en archéologie, c'est ce que vient de dire Anne, tout part du terrain. On a essayé de voir quelles étaient les réponses comment ce sens que les travailleurs donnaient à leur activité était élaboré par eux-mêmes. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux nous disaient qu'ils travaillaient à côté. Certains disaient, moi, je travaille à la morgue, mais mon vrai métier, c'est ramoneur. Et on a réfléchi à cette idée du travail à côté. Et comment finalement, en effectuant un travail à côté, on a le même homme qui effectue les mêmes gestes, mais ailleurs. Et du coup, ces gestes prennent un sens différent. Et quand il les réinjecte dans son travail face au cadavre, ils ont aussi un sens différent. Et donc, il maîtrise en quelque sorte le sens de son activité. J'ai déjà interrogé des archéologues et des anthropologues sur le sujet, mais j'y reviens. Les archéologues sont-ils des fossoyeurs? Anne Richier. Alors à cette question, j'ai envie de répondre à la fois oui et à la fois non. Et d'ailleurs, c'est amusant d'avoir cette question. Il y a très peu de temps, la semaine dernière, j'ai discuté longuement avec un fossoyeur, donc d'un cimetière à Marseille. On a eu une grande discussion extrêmement enrichissante et j'ai envie de dire que là, ça m'a vraiment éclairée. Donc si j'avais dû répondre à la même question il y a une semaine, j'aurais sans doute pas répondu de la même façon. Alors oui, pourquoi? Pour les gestes. Oui, sincèrement, en discutant avec lui, je me suis rendu compte à quel point nos gestes étaient similaires, nos gestes étaient identiques, les intentions aussi, j'ai envie de dire le respect qu'on peut avoir, donc le respect qu'ont les fossoyeurs vis-à-vis des défunts. La plupart du temps, évidemment, ce sont des cadavres. Ça peut être aussi des restes osseux, bien sûr, puisqu'ils font ce qu'on fait aussi. On déterre les morts, j'ai envie de dire, on exhume. Le fossoyeur va plutôt inhumer, mais bien sûr, et on le sait, il fait aussi des exhumations. Donc vraiment, en termes de gestes, en termes de respect, oui, c'est la même chose, ça c'est clair. Après, je dirais non, bien sûr, pour la finalité. Nous, on travaille en archéologie, science du passé. Donc, comme vient de le dire Agnès, c'est vrai que dans ce cas-là, on va un petit peu glorifier, entre guillemets, les savoirs et les savoir-faire. Ça ne veut pas du tout dire que les fossoyeurs n'en ont pas, bien au contraire. Après, je pense que c'est plus une histoire de conscience et de problèmes peut-être aussi justement par rapport à la difficulté de son métier dans une société et ce que ça révèle aussi. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que être fossoyeur ou être archéologue, ce sont des métiers qui sont utiles à la société, peut-être tout simplement. Et là-dessus, il y aurait peut-être quelque chose effectivement sur lequel ce serait intéressant de réfléchir, puisque c'est vrai que le fossoyeur est là aussi de la même façon. Lui, donc, quand je l'ai interrogé, m'a dit moi, je, à côté, il m'a dit, en tout cas, quand j'étais plus jeune, je n'osais pas dire que j'étais fossoyeur. Je faisais du rugby, donc je disais d'abord et avant tout que j'étais rugbyman. Donc, auprès de mes proches, évidemment, bien sûr que ses proches sont au courant de son métier, mais c'est quelque chose qu'il ne va pas mettre en avant. Après, avec l'expérience, avec l'âge, avec la sagesse, peut-être, entre guillemets, hein, maintenant, c'est quelque chose qu'il commence à assumer. Donc, j'ai vraiment trouvé que c'était intéressant et on a bien discuté ensemble et vraiment, je lui ai aussi dit à quel point on faisait des métiers similaires. Je trouve que c'est intéressant aussi. Agnès Jean-Jean, Bas-Œuvre est un de vos ouvrages, puisque vous êtes aussi penchée sur les travailleurs dans les égouts. Je me suis tout d'abord penchée sur les travailleurs dans les égouts et ce sont eux et les questionnements que j'ai élaborés. Sur, voilà, qui m'ont amené au fossoyeur. Et je me suis interrogée donc, à propos des travailleurs des égouts parce que je voulais comprendre quelque chose de la ville et qu'il me semblait que saisir une ville à partir de ce qu'elle refoule, et notamment en suivant dans leur travail les gens qui circulent par en dessous et qui se chargent de cette part refoulée, occultée, connaître leurs pensées, leurs gestes, les techniques, me paraissait intéressant. Je me suis intéressée aussi aux égouts parce qu'il me semble qu'on a, par le biais de l'égout, quelque chose qui est de l'ordre d'une articulation singulière entre le corps biologique et le corps social, puisque quelque chose de l'intimité des corps se jette dans le corps social, finalement, dans un dispositif collectif. Donc on a quelque chose à la fois de très technique, mais qui en même temps nous dit des choses très intéressantes sur l'articulation entre l'individu, le collectif, le social et le biologique. Et donc je suis arrivée par les égoutiers à travers ces questions de déchets. Les égoutiers me disaient qu'ils avaient très peur, quasiment tous ceux que j'ai rencontrés, de trouver un cadavre au fond d'un collecteur d'égouts. Et c'était une de leurs craintes. Et je me disais que peut-être finalement l'excrément comme objet, substance, cachait un autre objet qui était le cadavre, qui était l'objet chu par excellence. Hein, en tout cas, fossoyeurs et égoutiers, n'est-ce pas, regardez notre société dans ses sous-sols, hors de notre champ de vision en tout cas. C'est regarder cette société hors de notre champ de vision et surtout à partir de positions sociales, hein, je crois. Les égoutiers, par exemple, me disaient à leur propre sujet, nous, la pensée s'arrête juste avant nous, nous on est en dessous. Et cette idée de prêter attention à une position sociale et à ce qu'elle nous dit de la société qu'il a construite me semble particulièrement intéressante. Hervé Guy, il existe une sorte d'évitement, bien sûr, face aux cadavres, c'est tout à fait normal. Toutes les sociétés n'ont pas les mêmes propensions à exposer le cadavre. Notre société de l'image, bien sûr, n'y échappe pas, du moins pour quelques personnages particuliers. On pense à Che Guevara, Lénine, Staline. Oui, tout à fait. Alors, concernant les stratégies d'évitement, elles sont excessivement nombreuses. Hein. On peut parler de l'inhumation, de la crémation, de l'abandon. Enfin, il y a une même palette. Même la momification. Il y a une palette extraordinaire de comportements funéraires, dont on reparlera peut-être un peu plus tard, notamment une stratégie d'évitement d'un corps qui va rentrer en décomposition, qui va devenir putride, qui va devenir dangereux et qui va surtout sentir très mauvais. Donc cette stratégie d'évitement, effectivement, elle est un peu partout dans toutes les sociétés. Concernant l'image du cadavre maintenant, effectivement, on voit bien que le cadavre est manipulé hein, par le pouvoir politique. Alors effectivement, quand on songe à l'image de Che Guevara exposée autour des militaires boliviens, quand on songe effectivement aussi aux enterrements, aux funérailles des grands pontes du Parti communiste soviétique. Et puis dernièrement, la grosse manipulation, ça reste quand même celle de Ben Laden, dont les images nous sont arrivées. On a vu Ben Laden largué en plein océan Indien, mais avant ça, quand même, les autorités américaines avaient pris soin quand même de prendre un portrait hein, de Ben Laden bien mort. Une preuve. Alors, le cadavre, c'est intéressant parce que il permet aussi d'expliquer, enfin, mais de prouver que quelque chose existe. Et là, je vous renvoie au cadavre des Petits Gris, l'homme de Roswell, dont on connaît l'image du cadavre. Et s'il y a cadavre, ça veut dire qu'il existe. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle Agnès Jean-Jean, Hervé Guy et Anne Richier que vous êtes respectivement ethnologue, anthropologue et archéologue du funéraire et que nous évoquons un sujet bien sûr grave sur lequel se penche archéologie et ethnologie, le cadavre. Hervé Guy, Anne Richier, vous sortez d'une fouille au cœur de Marseille, une fouille très particulière. Pourquoi Anne Richier ? Une fouille très particulière, oui, puisque c'est un cimetière qu'on a fouillé, qu'on appelle un cimetière des temps récents. C'est en fait un cimetière donc, qui était dans le quartier des Petites Crottes, qui a fonctionné entre 1784 et 1905. 1905, évidemment, c'est un temps qui est récent. Hein. Donc évidemment, on a aussi j'ai envie de dire, la distance nécessaire qu'on a habituellement en archéologie, nous qui travaillons sur le passé, qui là est différente. Par exemple, moi, mes grands-parents qui sont morts aujourd'hui sont nés aussi dans ces années-là. Donc évidemment, on a quelque part une proximité, j'ai envie de dire, temporelle, qui est quand même relativement récente en archéologie, puisque le champ chronologique vraiment de l'archéologie s'est étendu et s'est intéressé réellement au temps récent depuis peu. Aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, hein, on se rend compte que c'est pas parce que c'est des périodes où on a beaucoup d'autres sources. On pense évidemment aux sources historiques, mais on a aussi tout ce qui est sources littéraires, artistiques, etc. Donc il y a effectivement énormément de sources. En revanche, sur la culture matérielle et l'étude de la culture matérielle, c'est les justement objets. L'archéologie. Voilà, on se rend compte qu'on n'a rien. De la même façon, sur l'histoire des gens modestes, on n'a pas grand-chose, hier comme aujourd'hui. En tout cas, on sait bien sûr que l'archéologie s'arrête hier, mais cette archéologie funéraire, est-ce qu'elle a une limite temporelle ? Oui, quand même, on ne va pas fouiller des choses trop récentes. Une limite temporelle, il y a peu, on commence déjà à investir des charniers, par exemple, de la Première Guerre mondiale, hein, ça on le sait. Donc, la tombe d'Alain Fournier tout aussi. À fait, oui. Et donc là, c'est vrai qu'on on assiste vraiment à une extension. Et vous le disiez, et c'est vrai, si on va vraiment au bout du champ chronologique de l'archéologie, on peut faire l'archéologie d'hier. Dans ce cimetière de Marseille, ne peut-on trouver, identifier les gens, même les descendants ? Alors bien sûr, ça c'est quelque chose auquel on a pensé, même en amont de la fouille, même avant, donc le premier coup de pelleteuse ou premier coup de pioche. Alors qu'est-ce qu'on a retrouvé ? Dans les faits, on n'a pas retrouvé directement de sépultures qu'on pouvait identifier. En revanche, nous avons trouvé pas mal de stèles, et donc de stèles inscrites. Simplement, ce cimetière a été en partie curé, et on sait que les sépultures les plus ostentatoires, on va dire, donc appartenant aussi aux familles qui étaient les plus fortunées, puisque le quartier des Petites Crottes, c'était et c'est encore aujourd'hui un quartier modeste, il ne faut pas l'oublier. Simplement, il y a quelques familles, on va dire, un petit peu plus fortunées, qui se sont fait inhumer là. Donc, on a trouvé notamment une très jolie stèle en marbre de la famille Estienne, donc où on a le monsieur qui va mourir en premier, en 1835, Jean-Baptiste. Ensuite, son épouse, 2 ans plus tard, et plus d'une vingtaine d'années plus tard, leur fille, qui entre-temps est devenue baronne, puisqu'elle a épousé un baron finlandais. Donc, évidemment, tout ça nous raconte des histoires qui sont très intéressantes. Alors, toutes les stèles qu'on a retrouvées, en fait, les restes des individus avaient été translatés. Donc ça, on l'a retrouvé aussi par les textes. Hein. On sait que dans ce grand cimetière, donc là, on est pour le fin 19e siècle, donc grand cimetière de plus de 2000 mètres carrés, on avait simplement 10 concessions perpétuelles. Donc, ces 10 concessions perpétuelles, les restes humains, les restes osseux, ont été transférés, soit au cimetière du Canet, qui était assez proche, qui venait d'ouvrir, soit au grand cimetière Saint-Pierre, qui est un petit peu l'équivalent du cimetière du Père Lachaise pour les Parisiens. Alors, il y a d'étonnantes pratiques funéraires ? D'étonnantes, oui, comme toujours, hein, on trouve un petit peu le lot de découvertes exceptionnelles. Après, j'ai envie de dire que tout est un petit peu exceptionnel, hein, et surtout en funéraire. Mais bon, pour tirer un petit peu le trait dans les choses étonnantes, peut-être qu'on a trouvé la tombe d'un enfant qui avait une petite carabine, un jouet en fait. Donc évidemment, c'est toujours touchant. Hein, nous aussi, on a une sensibilité, on a un affect, etc. Et puis c'est comme une tombe gauloise où l'on part avec son bouclier absolument, et sa lance. Absolument. Je vais revenir un petit peu sur cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on est probablement pendant la période de la Troisième République. Il ne faut pas oublier que la Troisième République, on était dans la revanche hein, contre la Prusse, et que tous les petits garçons étaient armés de carabines pour pouvoir se préparer à aller à la guerre un jour. Voilà, donc peut-être qu'il s'agit effectivement d'un petit garçon qui a été enterré avec sa carabine. Et puis, il y a cet homme qui a été enterré avec sa bouteille de rouge. Avec sa bouteille de rouge, donc évidemment, là, on ne peut pas s'empêcher de sourire. Alors, est-ce que c'est effectivement un pied de nez, j'ai envie de dire, des vivants ? On le suppose. Hein. Donc, c'était un gros bonhomme, qui était très robuste, qui avait des gros boutons d'uniforme, qui avait un crochet aussi, un petit peu comme les dockers. Donc, crochet auquel on accrochait, en fait, une corde, donc pour porter les poids un peu lourds, les sacs, etc. Et donc, effectivement, il a été enterré avec son litron, donc il avait la joue posée contre son litre de vin, presque pour l'éternité. Et puis en deux mots, il y a ces effrayants bocaux. Alors on a trouvé un bocal. Donc bocal en verre dans lequel on a découvert les restes osseux d'un fœtus. Alors ça, évidemment, on a été très très très interpellés par cette découverte, puisque si les fœtus en bocaux, quelque part, c'est un objet, et là j'emploie volontairement ce terme d'objet, c'est un objet qui est assez fréquent au 19e siècle. On en retrouve pratiquement dans toutes les pharmacies, évidemment dans les musées, hein, c'est aussi l'époque où on va avoir la création de curiosité, j'ai envie de dire, mais aussi de façon privée. On sait par exemple que la mère de Verlaine, de Paul Verlaine, avait conservé ces trois, passez-moi le terme, résidus de fausse couche. Donc elle avait effectivement mis dans des bocaux, conservé, mis sur sa cheminée et qu'elle présentait donc à tout invité qui venait la visiter. Elle présentait ses enfants, donc qu'elle n'avait jamais eu, enfin en tout cas qu'il n'avait jamais vécu. Il faut quand même dire au passage, ça c'est pour l'anecdote, hein, que ça a rendu son fils, donc elle a réussi à avoir juste un enfant, à son grand dam, hein, puisqu'elle souhaitait en avoir davantage. Ça a rendu son fils un petit peu fou, il a tenté plusieurs fois d'assassiner sa mère, et donc un soir de beuverie, et où il a été particulièrement violent donc avec sa mère, il a pris les bocaux, il a cassé les trois bocaux. Donc tout ça pour dire que c'est un objet qui est relativement banal, j'ai envie de dire, dans ce 19e siècle. En revanche, le retrouver dans un cimetière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque part, je n'ai même pas envie de dire redonner, ça veut dire donner une part d'humanité à ce petit. Oui, c'est l'insérer dans un espace sacral, de toute manière. Absolument, à partir du moment où il a été mis dans un cimetière, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on met donc un fœtus dans un bocal, quelque part, on est vraiment dans ce qu'on appelle la réification, c'est-à-dire que l'individu n'est pas considéré comme un être de société, mais vraiment comme un objet. Là, c'est quelque part vraiment lui donner un aspect social. Donc oui, on a été assez touchés avec cette découverte. Anne Richer et Hervé Guy, vous êtes aussi penchés sur la vision que pouvaient avoir les archéologues funéraires. Quand vous fouillez une tombe, que voyez-vous? Un squelette? Un cadavre? Un individu? En un mot, quel est votre ressenti? Alors, je crois que Anne de Chemont, dans le numéro 60 de Technique et Culture, avec sa collègue Lola Bonabel, ont mené une enquête auprès de nos collègues du funéraire. Moi-même, je suis un personnage un peu central de cet article. Mais effectivement, quand on fouille, effectivement, on trouve d'abord des os. On trouve d'abord des os. Et puis, après ça, on arrive des fois à se faire une reconstitution du corps. Bien souvent, c'est lié, de mon côté, hein, c'est lié à des anomalies pathologiques. Et là, on se figure peut-être toute la douleur qu'a pu endurer une personne. Et là, effectivement, on reconstruit très très vite l'image de la personne vivante. Anne Richer, vous pensez ça? Ça dépend, j'ai envie de dire ça dépend. Donc, et là, vraiment, c'est à l'aboutissement donc, de cet article, de cette enquête que nous avons menée, qui était vraiment passionnante. Hein. C'est une des premières fois qu'on interrogeait justement nos collègues, et donc quelque part nous-mêmes aussi, hein, bien sûr, sur cet aspect, un petit peu sur cette sensibilité aussi, et savoir, alors on dit toujours dans nos disciplines que quelque part le squelette, mais derrière le squelette, évidemment, il y a eu un cadavre, il est un peu au centre de nos disciplines. On a de cesse de reconstituer ce cadavre pour essayer de comprendre les positions de dépôt, les phénomènes de décomposition, etc. Après, en interrogeant donc les collègues, on s'est rendu compte que quelque part, le cadavre était quand même très, très, très absent. Donc là, j'ai envie de rejoindre un petit peu Hervé dans ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à ces stratégies d'évitement. Là, on touche vraiment quelque part à une part sensible. Quand c'est minéral, quand c'est sec, ça va, et on peut avoir la distance nécessaire. À partir du moment où l'individu donc, qui a vécu est dans ses chairs et dans ses odeurs, etc., enfin après, il faut évidemment imaginer tout ça, là, on tombe vraiment dans quelque chose de complètement différent. Est-ce que l'on n'est pas dans une sorte de corps à corps entre le fouilleur et le fouillé ? Assez clair, hein. De toute façon, déjà, quand on fouille une sépulture, c'est du temps passé. En général, après, évidemment, ça dépend un petit peu des individus, des contextes, de l'état de conservation, mais on peut passer jusque 2 jours, 3 jours, 4 jours, effectivement, à dégager minutieusement avec des instruments de dentiste, avec un aspirateur quand on a la chance d'avoir l'électricité, hein, avec un petit pinceau, sinon. Donc, effectivement, on passe beaucoup de temps. Et c'est souvent du temps... on fouille aussi souvent, on peut fouiller à deux, trois personnes, mais bien souvent, on fouille seul. Donc effectivement, c'est réellement une espèce de corps à corps qui va se créer. Et au bout d'un moment, il y a vraiment, je ne veux pas dire des liens, hein, faut pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Ce quelque chose, ça peut être du domaine de l'esthétique, puisque un squelette bien dégagé, il y a vraiment de l'esthétique là-dedans. Il y a vraiment une beauté. Je veux dire, voilà, ça peut paraître un petit peu curieux d'entrer là-dedans. Et oui. Et en un mot, oui ou non, il y a un dialogue ? Il peut y avoir un dialogue, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je rappelle donc le numéro 60 de l'excellente revue Technique et Culture, dans laquelle vous publiez, bien sûr, et qui vient de paraître. La semaine prochaine, le Salon Noir sera sur le terrain pour voir l'avancement des fouilles d'une tombe gauloise et de son char, dont les roues sont recouvertes en or. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Alexandre Dang, Dofar Guéride, attaché d'émission, Catherine Donnet.